des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Info pour la semaine du 20 au 26 septembre 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Salut Stéphanie. Salut Mathieu. On va tous finir nos phrases comme ça. Non, on arrête ça là. Bienvenue au Palmarès. Oui, condensé de la meilleure musique que c'est fort à vous offrir. 20 positions francophones, 20 positions anglophones. Que du bon là-dedans. On a quoi? 5 nouvelles entrées cette semaine? Ouais. C'est pas pire. C'est pas pire. Ça a du sens, je trouve. C'est un bon petit nombre. Ben, du côté francophone, on a des nouvelles entrées de Danny Placard, de JP Dalpé et de Sonny Duval. Et du côté anglophone, deux très bonnes nouvelles entrées. On a Off Montreal et Weezer, deux albums qui viennent juste de paraître. Mm-hmm. On va entendre Weezer dans quelques secondes d'ailleurs, mais commençons avec Sonny Duval et une nouvelle pièce, un nouvel extrait de l'album Saint-Noir, Saint-Blanc. C'est Bikini. Bikini. Bikini. Itchy, c'est quoi, c'est Itchy Bitty Yellow Polka Dot Bikini? Ouais. Mais c'est pas ça la chanson, par exemple. Non. C'est meilleur que ça, j'espère. Red lipstick, black dress.

lip more than a wink. I said, how many girls have I laid beside? How many girls have I been inside? How many girls? How many girls? How many girls? I said, how many girls? When is your girl's heart at stake? I said, how many will I bring? I said, hey, little honey, well, you look so good to me. Will I be adding your name to the rest? And when you show me a smile, it takes me a while for me to catch my breath. I said, oh, baby, baby, I said, hey, CFOUFM.com. Sors de Future Shop, tu viens de t'équiper de beaux écouteurs stéréo. Mon gars, ça c'est trippant. Ça c'est trippant. Installe-toi dans les éboys, open de pouf, les deux pieds à côté. Écoute-toi un C'est fou. Agréable à l'écoute, fascinant. C'est fou en ligne, une présentation de Infotech Internet. Peut-être que je pogne la seule qui dit encore CFOUFM.com. Tu t'apprendras à pas écouter l'ID avant de la passer, Mathieu Plante. Hein? On enchaîne tout de suite avec les prochaines positions. C'est les 16e. Voici les Martiens TV Break. Au palmarès, c'est fou. C'est fou.ca. Devant les émissions, je porterai mon plus laid t-shirt et un vieux caleçon. Une journée complète de procrastination. Oh, oh. Et demain je changerai de vie, je fixerai les yeux au ciel. Je ne regarderai plus jamais. En genre de régression, je me ferai des sandwichs, jambon, fromage, cornichon, en écoutant un reportage sur l'homme de Cro-Magnon. Mais demain je changerai de vie, je fixerai les yeux.

sont là des millions qui n'attendent qu'à raisonner. Reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser. Numéro 15. De Parcel of Arsoul en position numéro 15 anglophone, ça monte de 5 places et c'était nouveau la semaine passée. Super bon. Et côté francophone, Le bruit des bottes de Yann Perrault de son album Un serpent sous les fleurs. On est déjà rendu au 14e position, au 14 positions. On s'enfile back to back pendant 14. tout à l'heure, il y a le bloc de nouvelles en compagnie de Stéphanie. Oui, il y a beaucoup de nouvelles cette semaine. Il y a vraiment plein de choses intéressantes, entre autres Gamik. Il y a les nominations qui sont sorties cette semaine. Je ne vais pas vous les nommer. Je vais en parler plus tard dans mon émission, mais je vais vous en parler un tout petit peu. Il y a aussi, je vais parler de OK Go, de MIA, de Sleigh Bells, puis je vais parler de Bedouin Soundclash et Cœur de Pirate. Ah oui? Oui, je vais être patineuse aujourd'hui. Oh, racoleuse, toi! Oui, j'ai un petit potin. C'est là pour ça, c'est dans le bloc Guess What? Guess Stéphanie What? Mais pour l'instant, en 14e position anglophone, on va entendre Iron Maiden avec Coming Home qui monte de 4. Et du côté francophone, même chose qui monte de 4, ça va être Chantal Archambault avec la pièce Cavale. Au palmarès, c'est fou au 89 FM. Transforme-moi en irondelle, car mon corps se meurt d'avoir des ailes. Transforme-moi en mouche à feu pour que dans le noir, tu puisses me voir un peu. numéro 14. Iron Maiden est Coming Home, position numéro 14, plus 4, nouvelle entrée la semaine passée. Et juste avant, Chantal Archambault avec Caval. Oui, nos deux 14e position qui continuent ce bal, cette parade, ce hit parade, certains diraient. D'autres diraient un décompte, d'autres diraient un palmarès, et nous, c'est le mot palmarès qu'on a choisi. Francophone et anglophone qu'on appelle les palmarès, c'est fou, c'est un drôle de nom, je trouve. Bref, on est rendu au numéro 13 maintenant. Côté anglophone, ça va être Buddy McNeil and the Magic Mirrors. C'était à la 19e position la semaine dernière avec la pièce Help Me Mama. Mais on commence avec la 13e francophone. Voici Olinéa et Métronome qui montent de 2 sur C'est Fou. Les palmarès, c'est fou. Juste pour l'expliquer aux gens, c'est un article. Palmarès, c'est un décompte. T'es là, pas. C'est comme si je l'avais dessiné. J'ai pris le temps pour ralentir la fin du compte. Qu'on veut continuer de croire. J'ai cru que j'en ai échappé à mon destin bien annoncé. Stopper le métronome, stopper pour la défier. Stop. To run away. Buddy McNeil and the Magic Mirrors avec Help Me Mama. C'est à la 13e position. Ça monte de 6 positions. Avant ça, c'était Olinéa avec un métronome qui monte de 2 places. C'est la fin de la première heure des Palmarès C'est fou. Il y en a une deuxième qui s'en vient dans, je dirais, environ 2 minutes 15. Environ. Plus la fin de la pièce de fin d'heure. Bon. On va voir le Husky, Alexandre Béliard, Xavier Caffeine, Rara Riot, Winter Sleep et Crystal Castle. Reste là. Reste là, toi. Je bouge pas. Tu vois que je parle trop vite, hein? C'est incompréhensible. Hein? C'est comme... comme un sable laser. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. Salut, c'est Emrical. J'ai participé au festival Vue sur la relève 2010 et l'expérience a été marquante pour l'avancement de ma carrière. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, DJ, cirque ou autres arts de la scène. Propose ton spectacle, prêt à être diffusé et prends la chance d'être sélectionné pour la 16e édition du festival. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois, Vue sur la relève aura lieu à Montréal du 5 au 23 avril 2011. Les dossiers sont acceptés en ligne jusqu'au 27 octobre 2010 à vuesurlarelève.com. Bonne chance. Les 15 et 16 octobre prochains à la bâtisse industrielle, Warrior Metal en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et CFO 89.1 présente le Warrior Metal Fest 10e édition. 14 groupes sur 2 soirs mettant en vedette les Spiced Icon, Martyr, Volonté Serge et Anonymous, Misery Index, Neuraxis et pour la première fois de Warrior, Cannibal Corpse. Billets en vente chez Musique Daniel Côté, au Calimaçon et au TroisRivièresMetal.com au coût de $35 pour un soir ou $60 pour les deux soirs. Quantité limitée. C'est des compilations doubles remis gratuitement à l'entrée d'une gracieuseté de Cali Records. Les 15 et 16 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Tijon Metal! Pour tous les détails, visitez le TroisRivièresMetal.com. Une émission dédiée au rap. Volte-face. Get ready! De 7 à 9. À tous les mercredis soirs. De 7 à 9. À tous les mercredis soirs. De 7 à 9. À tous les mercredis soirs. De 7 à 9. Diffusé sur les ondes de C'est fou 89. Avec Bob et DJ Quarles. Yep. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix régulier. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. C'est fou ça, hein? C'est fou ça, hein? C'est fou ça. 89.1 des palmarès C'est fou, l'émission qui condense les deux palmarès de C'est fou, c'est-à-dire le top 20 francophone et top 20 anglophone pour la semaine du 20 au 26 septembre. Cette fois-ci, c'est Stéphanie Gagné. Et celui que vous avez entendu, c'est Mathieu Plante. Ben oui, puis vous autres, ben vous êtes les palmiers. Et on a plein de bonnes choses qui s'en viennent. Oui, plein de bonnes choses. Cette deuxième heure-là, elle commence par les positions numéro 12. Oui, côté ça. Anglophone, Danko Jones avec I Can't Have Moderation, qui était au numéro 15 la semaine dernière. Et pour l'instant, voici le Husky avec Dialogue featuring Fanny Bloom. Ça monte de deux places. Yoï. Fanny Bloom de la patère rose. On aime bien Fanny Bloom de la patère rose. On l'adore. Écoutez. Toi plus que moi, je pense. Ouais, peut-être un peu. À peine. Pourquoi tout le monde cigarette dans un café coin Marianne et Marquette. Pourtant c'est facile, j'ai juste à oublier tout le monde. Me foutre de tout, me foutre de toi, courir droit devant moi. Ah. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues les papillons? Qu'est-ce qui est arrivé au matin qui sentait bon les suites de bonheur, les génies, les grandes idées? Prolifique, mérifique, barbiturique. On mange du vin, pour souper on mange du ciment. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos chansons fermées comme des cales de navire, perdues comme des cochons, tirelées et des éraflées du siècle en devenir? Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues? Qu'est-ce qui est arrivé au matin qui sentait bon les suites de bonheur, les génies, les grandes idées? J'suis juste un autre de ces petits losers? Non, t'es juste un petit peu trop heureux. Je suis juste un autre de ces petits peureux. Non, t'es juste un petit peu trop malheureux. Numéro 12. You got a makeshift 666 on the back of your skull. The birds and the bees don't come around no more. It's just too bad your honey pot dried up. Now frustration ends in fisticuffs. Slither no more. Fantasies can't turn to nightmares. You got a house full of humps, but a house just ain't a home. Stay in if you wanna, but your hunger ain't into leaving. You got a wand that don't seem to wanna go. Slip out and see what sees you so. The slump don't let you grow. Sit at home all alone. It's Friday night, but your magic snake don't wanna play outside. No, sit at home all alone. It's Friday night, but your magic snake don't slither no more. Thing. Now you're incomplete. It's a funk, you feel it all. no more. Slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. Stéphanie, tu vas me dire, mais il me semble que ça sonne pas. J'ai pas entendu les paroles « I can't handle moderation ». Non, c'était Danko Jones, mais c'était peut-être pas « I can't handle moderation ». Pas exactement la bonne pièce, mais c'est pas grave. Ça, c'était Magic Snake, et je trouve que la pièce était très, très bonne. Et j'adore Danko Jones, sérieusement, je trouve que c'est très, très bon ce qu'ils font. C'est même pas du sarcasme ici, ça avait l'air super sarcastique, mais c'est pas du sarcasme. Good. Good. Côté francophone, numéro 12, c'était le ski avec Dialogue, featuring Fanny Bloom. Ooh, Fanny Bloom. Ouh, hausse de deux positions. Ouh, plus de... vous êtes au Palmarès C'est fou, condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On est rendu aux positions numéro 11. Et ça tombe drôle parce que la 11e francophone qui va débuter le bloc, c'est l'homme de la situation. Alexandre Béliard, on va le recevoir tantôt en entrevue. Suivra la pièce Trace the Key de Winter Sleep. Il monte d'une place. Ça va être après. Ça va être après. Mais avant ça, c'est Alex. Alexandre Béliard avec Jack. Ah, c'est fou. Jack a traversé les âges, bien ancré dans nos pires cauchemars. La tête peuplée d'images immondes, Jack le ventreur n'est plus à Londres. Dans les méandres de son esprit, tordu à souhait, gisait en lui. Un coup de sang et de violence, né de la haine, de la souffrance. Rien n'approchait l'extase divine que Jack trouva même ses victimes. C'est de la terreur dans leurs yeux dont Jack est tombé amoureux. Dans le halo d'une lanterne, Jack se dissimule dans la nuit. Il choisit qui meurt et qui vit. La main soudée à son poignard, Jack telle une ombre sur le trottoir. S'élance et frappe, il frappe encore pour se repaître de la mort. Jack n'est personne, Jack n'est personne. Jack est un monstre. Jack n'est qu'un homme, c'est de la peur dont Jack est tombé amoureux. Bien ancré dans nos pires cauchemars. La tête peuplée d'images immondes, Jack l'éventreur n'est plus à Londres. La tête peuplée d'images immondes, Jack l'éventreur n'est plus à Londres. Jack n'est personne, Jack n'est personne. Jack est un monstre, Jack n'est qu'un homme. C'est de la numéro 11. Winter Sleep avec Trace Decay, c'est la position numéro 11. Ça monte d'une place, c'est là depuis 6 semaines. Côté francophone, Jack d'Alexandre Béliard, numéro 11, ça monte de 2 positions. Oui, on est rendu donc au point de sauvegarde, à la mi-chemin du palmarès de C'est fou cette semaine. Number 10. Bah ouais, numéro 10 anglophone. Bah ouais, je sais pas si ça venait d'où. Position numéro 10 anglophone, c'est Boy. Boy! Oh, j'aime tellement cette pièce-là. C'est de Rara Riot. Oui, excellent album aussi. Si vous avez un achat à faire, là, achetez ça. C'est l'album The Orchard. Ouais. Que de détails ici qu'on, qu'on avance. Numéro 10, côté francophone, qu'on va entendre tout de suite, Xavier Caffine avec la pièce La Lune. Et son CD à lui, c'est Bushido. Bushido. Fait que, Bushido. Hein? C'est ça. On écoute ça. C'est fou, oui. Sont-tu bonnes tes framboises? Écœurante. Oui, c'est bien le serpent qui nous a coupé les ailes. Déjà tout petit, la sentence bipède. Et on marchait sur les pavés et dans les fossés. Sillonnant les chemins qui menaient au verger. On croque la pomme, on

Rara Riot et Boy. Oh, tellement bon. Ah, position numéro 10 anglophone du palmarès de C'est fou. Numéro 10 côté francophone, La Lune de Xavier Caffeine. Mm-hmm. Maintenant, c'est le moment du segment de Stéphanie sur les nouvelles. On a enfin trouvé un nom, hein? Ça s'appelle Guess What. Devinez quoi, tout le monde? Il y a plein de nouvelles qui se passent dans le monde. Genre. C'est à peu près ça que ça veut dire, Guess What. Hein? Devine quoi? Quoi de neuf? Il y a vraiment beaucoup de nouvelles cette semaine. Premièrement, vous êtes peut-être au courant, mais le 20 septembre, c'était la 5e soirée pour le prix Polaris. Et il y avait en nomination Carquois, Tegan and Sarah, Radio-Radio, Broken Social Scene, entre autres. Et c'est Carquois qui a gagné, vraiment cool, parce que c'est la première fois qu'un groupe francophone gagne. Et je viens de voir sur cyberpresse.ca un article qui s'intitule « Pourquoi pas Carquois? » Et dans le fond, c'est qu'il y a un journaliste torontois, vraiment pas très sympathique, un journaliste de The Globe and Mail, Brad Wheeler, qui a parlé du fait que Carquois a gagné et pourquoi Carquois. C'est le titre de son article. Et dans le fond, ça dit que Carquois a gagné parce qu'il y a des membres du jury qui sont francophones. Oui, ils ont des noms qui sonnent francophones, qui disaient. Oui, c'est ça. C'est vraiment des francophones. Mais c'est n'importe quoi, parce que le jury, il y a 11 membres. Il y en a 4 qui sont québécois, mais il y en a juste 2 qui habitent au Québec. Les deux autres n'habitent pas au Québec. Mm-hmm. Puis il dit que c'est à cause de ça que Carquois a gagné. Complètement stupide. Ça peut pas être à cause qu'ils font de la bonne musique. Non, vraiment ça pas. Ça hein? Pas. Carquois, on sait tous que c'est n'importe quoi, ça. Hein? C'est n'importe quel bon. Quoi, comme on dit. C'est tellement pas drôle. Je sais que c'est pas drôle, partout. Enfin bref, c'est vraiment un article super intéressant. Donc, allez voir ça. Ça s'intitule « Pourquoi pas Carquois » sur cyberpresse.ca de Marc Cassivi. Et ensuite de ça, il y a M.I.A. qui a sorti un nouveau clip pour la chanson « Story to be told » de son dernier album « Maya ». C'est tellement mauvais, là. Bon. Mais tellement mauvais que ça vaut la peine que vous ayez voir ça. Sérieusement, là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment pas bon. Allez voir ça. C'est très, très drôle. Aussi, OK Go, les rois oui. du vidéoclip. Ah, ils sont extraordinaires. Je veux dire, tout le monde le sait, tout le monde connaît leurs vidéos populaires. On les mentionnera pas tous, là, mais il y en a plein. Personne connaît leurs chansons à part nous, ça non, a l'air. Parce que ça joue pas vraiment ailleurs tant que ça. Là. Non, mais tout le monde connaît les vidéoclips, par exemple. Tout le monde en parle cette semaine du nouveau vidéoclip. C'est pour la pièce White Knuckles. Puis en fait, un peu comme dans This Too Shall Pass, c'est tout filmé one shot. D'un coup sec. Là. D'un coup sec. C'est pas leur première prise, évidemment, mais d'un coup sec. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment cool, petite chorégraphie avec des chiens puis des meubles Ikea, c'est ouais, vraiment des drôle. Poubelles, entre autres. Des poubelles au début. Des tables. Ouais, mais t'as-tu remarqué que c'était des trucs Ikea, toi? Ben, moi, j'avais lu que c'était ça, mais j'avais pas remarqué. Moi, j'ai pas lu, j'ai reconnu. OK, t'es là chez vous. Oui. Entre autres, quelques morceaux. Ça a dû coûter cher avec autant de meubles que ça, par exemple. Ouais, mais ouais, faut vraiment que vous ayez voir ça. C'est vraiment très cool comme vidéoclip. C'est filmé devant un écran bleu, devant ouais. un rideau bleu. Donc, les gens peuvent, j'imagine, remixer leur vidéoclip à bon escient. Ouh! En enlevant le bleu. En enlevant le bleu. Aussi... on a déjà parlé que TELUS utilise vraiment de la bonne musique dans leur publicité. Entre autres, il y a la patère rose qui a eu un peu s'est fait connaître avec les publicités de TELUS. Mais hier, j'étais super contente. J'écoutais la TV puis j'ai vu une annonce de Bud Light avec la pièce Luna de Malajube. J'étais vraiment contente de voir ça. Une publicité avec la musique un peu plus underground, ça fait changement. Ouais, c'est cool. Dany Janvier du Dîner de con qui m'a fait remarquer parce qu'il m'avait montré cette publicité puis il m'a dit il me semble que le monde danse pas mal intense pour une pièce comme celle-là. T'sais. Ouais, c'est ça, une comme pièce de Malajube. C'est super calme puis le monde sont comme déchaînés comme si c'était du artiste à délire comme au fond. C'est ça. Ouais. Mais j'ai vraiment trouvé ça cool pareil parce que moi, je l'ai aimé la pub. Très bonne pub. Ouais. Ça fait pas très Bud Light, je trouve. Ça fait moins pitoune pis char. Ben c'est ça, mais c'est ça qui est cool. C'est que on dirait qu'il y a une petite vague de changement dans les publicités puis j'aime ça. Ouais. Très cool. Aussi, petite nouvelle courte, vous pouvez voir ça dans pas mal tous les journaux de ce matin. Le film Incendie de Denis Villeneuve va représenter le Canada aux Oscars pour film de langue étrangère. Ensuite de ça, mon potin. Bon. Mon potin. Là, tu fais ta racoleuse, là. Oui, mais non, c'est pas un potin que j'ai vu quelque part, c'est moi qui pars un potin. Ah! Comme ça. Ah, c'est original, j'aime ça. Ouais. Ça a rapport avec un animateur de C'est fou? Non, pas en tout, ça a rapport avec deux artistes. Ouais. OK. Ben, c'est comme une demi-nouvelle et demi-potin. Donc, il y a Bedouin Soundclash qui sort un nouvel album la semaine prochaine, Light the Horizon, qu'on peut entendre en entier sur extreme.ca. Mais ça, je vais en parler la semaine prochaine dans mon émission quand je parle des albums de la semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur l'album, il y a une pièce avec cœur de pirate qui s'appelle Brutal Hearts. Et au début de l'été, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on avait fait jouer une pièce de ces deux-là ensemble. Ouais, Gun quelque chose. Là. Mission... Non, c'était pas Life is a Gun, c'était Mission Bells qu'on fait ensemble. Puis, dans le fond, c'était le chanteur Jay Malinowski de Bedouin Soundclash qui avait fait une chanson avec cœur de pirate à QTV, je pense. Donc, bref, monde anglais. Oui, l'émission de radio de Ian Gomeshi. C'est ça. À CBC. C'est exactement ça. Et aussi, ils ont aussi collaboré ensemble pour le groupe Coca-Cola pour la pièce Open Happiness. Et on peut aussi voir Cœur le pirate dans le clip de Jay Malinowski, Life is a Gun. Donc, je pars le potin qui sortent ensemble. Ça doit, hein? Là, ça n'a même pas de sens. Ils collaborent beaucoup trop ensemble, ça se sent bien louche. On les appelait comment, tu penses? Malinowski. Cœur de Soundclash? Ah! Cœur de Clash? Je sais pas. Ouais. Cœur de Bedouin. Bedouin Pirate? Ouais. N'importe quoi. Enfin, bref, c'est mon potin de la semaine. On peut aussi entendre le nouvel album de Jimmy Eat World qui sort la semaine prochaine. On peut écouter ça sur leur MySpace. L'album s'intitule Invented. Il y a le film Social Network qu'on parle pas mal depuis quelques semaines. Ouais. Le film sort le 1er octobre. Et à partir de cette semaine, on peut télécharger 5 pièces de la trame sonore qui sort la semaine prochaine, la trame sonore. Est-ce que tu peux mettre ça sur le web? Avec plaisir. Je vais t'envoyer ça. Parce que c'est ça, www.nullco.com/tsn. Alors, allez voir ça si ça vous intéresse. Ensuite de ça, grosse nouvelle, les nominations du Gala Gamic sont sorties. La cérémonie va être le 14 novembre au studio Juste pour rire. Je vais pas toutes vous les mentionner, mais je vais vous mentionner ceux qu'on peut voter. Donc, il y a 6 catégories pour lesquelles on peut voter. Vous pouvez voter pour ça sur le gamic.net. Donc, il y a Artiste de l'année, il y a Bernard Adamus, Fred Fortin, Mister Valère, Plants and Animals, Radio Radio. Spectacle de l'année qui a entre autres Mister Valère, Radio Radio, Random Recipe, We Are Wolves. Chanson de l'année, il y a Ave Mucho de Mister Valère. Il y a Dekchou de Radio Radio. Moi, j'ai tellement voté Dekchou. Il y a aussi le ski avec la maison hantée. Côté révélation de l'année, il y a Bernard Adamus, Métagruour, Monogrenade, Royaume des morts et Sean Nicholas Savage. Étoile montante de l'année, Alex Nevsky, Gigi French, Random Recipe, entre autres. Et finalement, vidéoclip de l'année, il y a Radio Radio avec Dekchou, La Pâte à Rose avec Duet Asset et We Are Wolves avec Holding Hands, entre autres. Alors, vous pouvez aller voter pour ça. Il y a beaucoup d'autres catégories. Vous pouvez aller voir c'est quoi les nominations, mais dans le fond, on peut pas voter pour les autres catégories. Mais c'est à suivre quand il va y avoir la cérémonie le 14 novembre prochain. Et finalement, dernière nouvelle, enfin, il y a un nouveau clip pour le groupe Sleigh Bells. C'est sur la pièce Infinity Guitars. La chanson est écœurante. L'album est écœurant. Et le clip est écœurant. Allez voir ça, somekindofawesome.com. Et on va aller écouter la pièce tout de suite, Infinity Guitars de Sleigh Bells. Oh, pardon, c'est vous? Oui. Oh oui. Yeah. Infinity Guitars de Sleigh Bells. Ah, oh, c'est tellement bon. Oui. C'est vraiment écœurant. C'est ça qui est ça. Ils sont en nomination au Gamix, c'est pour ça qu'on les joue. Non. Non, c'est pas ça, c'est pas tout. Nouveau clip. Nouveau clip, c'est ça, oui. Pour Infinity Guitars. Je t'écoute. Allez voir ça sur somekindofawesome.com. Bon. Merci, Stéphanie. Ben, de rien, Mathieu Plante. Alors, on va passer aux positions numéro 9 tout de suite. Du côté anglophone, c'est Crystal Castles avec Empathy qui monte de 2. Cool. Côté ça, c'est sarcastique, par exemple. C'est un petit peu de sarcasme. Une pointe, un soupçon, un zeste. Voyons donc. Et côté francophone, ça va être Le Couleur qu'on va entendre tout de suite avec la pièce Origami. C'est fou. C'est fou, 89.1 FM. Oui, pas le C'est fou, le 92.9, il n'y en a pas. We'll be right back. Crystal Castles avec la pièce Empathy qui monte de 2 places en 9e position anglophone. Pour tes francophones, Le Couleur avec Origami baisse de 3 positions, maintenant rendu à la 9e. Là, on entre dans une petite phase un petit peu mêlante. Donc, on va essayer de se démêler. C'est mêlant pour nous, donc pour vous, ça va l'être aussi. On va sauter par-dessus les 8e positions de chaque côté. Du côté anglophone, c'est The Gaslight Anthem avec The Queen of Lower Chelsea. Pour tes francophones, on va skipper Metagruo de Banana. Banini, banini. On va sauter aussi par-dessus quelques autres positions anglophones, c'est-à-dire en 7e, Rocky Erickson and Ockerville River avec John Lawman, ça descend d'une place, et Soilwork avec Night Comes Clean, ça descend de 4 places. On va l'entendre du côté francophone, un bloc extraordinaire. Oui, ça va être un excellent bloc, j'espère que vous allez l'adorer autant que moi. On va entendre les positions 7, 6 et 5, une après l'autre. On va entendre Radio Radio avec Enfant Spécial, La Patate Rose, et on va commencer avec Alex Nevsky avec la pièce Notre cœur. On écoute ça au palmarès, c'est fou, 89.1 FM.

managed to breathe steady and deep in the bottom of the water tank. I guess it works well, but not for long. I escaped the country club. The kids don't push me harder. They keep me quiet down. They keep me quiet. Daniel Boucher, tournée mondiale, vous retrouvez à Paris. Gros show, grosse tournée. Vous demandez quoi écouter après avoir mangé? Ben, c'est pas compliqué. TFOI.ca, yeah. C'est fou en ligne. Une présentation de Infotech Internet. The Sadies et Another Day Again, position numéro 4. Ça monte d'une place du côté anglophone. Côté francophone, c'était Soviet Cosmonaut de 354 Barry qui descend d'une place. On est rendu aux positions numéro 3. Du côté anglophone, c'est Madcaps avec Everywhere I Go. Ça monte de 5 places. Mais on va commencer par le mythe de la démocratie des vulgaires machins tiré de leur album Requiem pour les sourds. Et ça monte d'une place. Au palmarès, c'est fou. 89 FM. I'm

numéro 2. Jenny Dollar de The New Pornographers, deuxième position, c'était à la 9e la semaine dernière. Et moi, t'as dit que c'est bon? Yes! Ah, oh oui! Avant ça, c'était Ariel avec Tout va très bien, qui est dansé numéro 1, francophone. Oui. En deuxième place. Est-ce que tu l'avais dit? Tu l'avais dit? Tu l'avais dit? Non. Je te répétais pas? Non. Non, c'est correct. Ok, cool. Tant mieux. On est rendu au numéro 1. Non, c'est ce que je suis en train de réfléchir, parce que, à un moment donné, les jeux de mots, des fois, ça se fait tout seul. C'est comme super simple. Puis d'autres fois, tu regardes ça, puis tu fais comme, bah, ben, Colin, hein? On va avoir du fun là-dedans ou encore du acouphène. Hein? Ouais. Hein? Vraiment, vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Mais en même temps, c'est le fun pareil. Vraiment, c'est le fun. C'est comme marcher un peu. T'sais. Marche, marche, marche. Puis là, à un moment donné, tu pognes des verres. Pac-lauc à terre. Ça route, moi, je sais. Je me suis dit, avec le titre de l'album, peut-être que je pourrais faire quelque chose, mais non, pas plus. Non. Non, pas vraiment. Mais au moins, si on peut dire quelque chose de mes jeux de mots, c'est qu'ils sont très, très, toujours pareils. C'est très, très, très régulier. C'est comme si j'avais pris mon All Brandon Marlowe. All Brandon Marlowe. Je pensais que j'avais fini avec les jeux de mots plates. Je suis tellement déçu. Non, il en reste un, c'est ça. Cool, hein? C'est pas bon, hein? C'est de valeur. Pas mal de valeur. Celui-là, t'as pas pire, par exemple. Ouais. Combien tu me donnerais sur 10, mettons? T'as pris au moins 4. Ou sur un système de médailles, est-ce que tu me donnerais le bronze, l'argent ou le l'or, golden Bombay? Golden Bombay, gold, de l'or. Golden Bombay, c'est le nom de l'album de Mr. Valor. Ben là, tu viens de tout enlever la grosse surprise. Ouais. C'est ça. On écoute Mr. Valor. Ouais. Puis on révèle les jeux de mots après. En fait, on écoute pas Mr. Valor, tu sais, c'est Carquois, ça. OK, si tu veux. C'est en français. Carquois avant. En français. Avant. OK. Avant. Ça va faire. J'écris dans ma chambre à gaz la folie des images qui passent sous mon lit.

diffusé sur les ondes de C'est Fou 89. Avec Bob et DJ Quar. Yup. C'est fou. C'est fou. Visitez le www.cfou.ca. 89. Et en première position. C'était nos grands numéros de cette semaine dans les palmarès. C'est fou pour, en fait, la semaine du 20 au 26 septembre 2010. On va se faire un petit résumé de tout ça. Hein, tout de suite, pourquoi pas. Du côté francophone, la position numéro 3 est occupée par Vulgaire Machin et le mythe de la démocratie. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Ariel, avec Tout va très bien. Et en première, on a entendu, et là je révèle mon jeu de mots de tantôt, qui était donc extraordinaire, Carquois avec l'acouphène. Côté anglophone, numéro 3, c'était Madcaps avec Everywhere I Go. Numéro 2, The New Pornographers avec Silver Jenny Dollar. Et numéro 1, Mister Valère avec Brandon Marlowe. C'est vrai de faire des jeux de mots avec ça, toi, l'acouphène. C'est le fun. Et puis Brandon Marlowe, All Brandon Marlowe. C'est les seuls que j'ai... C'était pas pire. Ouais. Okay. Tu sais, non. Non, d'accord. Ton verdict ne me plaît pas du tout, Stéphanie. Top 3 des 10 Canadiens? Oui, rapidement. Numéro 3, The Sadies avec Darker Circles. Numéro 2, Mister Valère, Golden Bombay. Et numéro 1, Winter Gloves avec l'album All Red. Dans le top 3 des CD, numéro 3, c'est Madcaps. Numéro 2, The New Pornographers. Numéro 1, Mister Valère. Du côté du top 10, Loud, on retrouve, allons-y, avec la position numéro 3, Blind Guardian et At the Edge of Time. En deuxième, c'est stable Iron Maiden et The Final Frontier. En première, c'est Soilwork, aussi stable avec The Panic Broadcast. Dans le top 10 électronique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter avec un extrait de tout ça. C'est la pièce Dummy Barnoff Version de Pale Sketcher. C'est tiré de l'album Chesu Pale Sketches D-Mix qui prend la deuxième position du palmarès, que vous pouvez entendre d'ailleurs dans son intégralité le samedi soir à l'émission Le Vestibule en compagnie de Jean-François Fecteau, qu'on remercie bien sûr. Donc on se quitte avec cette pièce-là. Les Lutins de l'Enfer vont suivre pour les auditeurs du vendredi à partir de 20h. Nous, le jeudi en direct, c'est la Pimbèche en mission. Une Pimbèche en mission qui va suivre. Oui, une Pimbèche en mission de 5 à 6. Et qu'est-ce qui se passe dans ton émission ce soir? Beaucoup de bonnes choses. On va parler plus en détail dialogue gamique. On va aussi parler des sorties d'albums de cette semaine. Random Recipe, entre autres, grosse sortie cette semaine. Et c'est ça, on va entendre plein de bonnes choses. Le Couleur, VXX, Bravo Funken, entre autres. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, jeudi, entre 14h et 17h. Et puis, ce soir, au spectacle d'Alexandre Béliard au Zénob. Oui, Zénob, 20h, soyez-y. Pour les auditeurs du jeudi seulement. Alors, passez une excellente fin de semaine et on se retrouve lundi à 7h à Assemblage Rocky. Bye, bye. Bye. Bye, salut.